Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a visité le centre d'élevage de cistudes de Pyongyang, transformé en exemplaire et standard des centres piscicoles de l'autre pays, avec Cho Yong-won et Han Kwang-sang. Admirant le panorama du centre avec un sourire radieux, il a déclaré très content qu'il a changé d'aspect pendant un an et qu'une nouvelle richesse est créée pour faire un apport à l'amélioration de la vie alimentaire du peuple. Le maréchal Kim Jong-un s'est tout d'abord arrêté devant la fresque en mosaïque figurant le général Kim Jong-il nouvellement mise sur pied dans l'enceinte du centre avant d'entrer dans la salle d'éducation aux faits révolutionnaires nouvellement aménagée. Se rappelant avec émotion sa visite à l'usine en octobre 2011 avec le général, le maréchal a dit que l'on est arrivé à produire en grand nombre les cistudes rares qui étaient autrefois difficiles même à voir une fois et qu'il lui semble entendre la voix du général qui était très content de fournir aussi les cistudes à notre peuple. Kim Jong-un a dit que l'armée populaire, consciente de l'intention du parti qui lui a assigné la gestion du centre d'élevage, a bien construit la salle d'éducation aux faits révolutionnaires au cours du réaménagement et souligné de procéder minutieusement à l'éducation pour graver en profondeur dans le cœur de tout le personnel les exploits de direction du général et du parti empreints dans l'usine. Kim Jong-un a fait le tour des salles de commande générale de pisciculture de cistudes intérieures, d'incubation, de l'entrepôt des machines géothermiques, de la salle de culture microbienne, etc., pour s'informer du réaménagement et de la production. Il a apprécié le système de production intégrale capable de commander en temps réel la température de l'eau, la teneur d'oxygène et l'indice d'hydrogène des bassins, le temps de nourriture, etc. pour réaliser à un niveau élevé le perfectionnement scientifique et l'informatisation de la pisciculture de cistudes et aussi susceptible de simuler même diverses méthodes d'élevage et de plans. Et de continuer. On a pris les mesures d'alimentation de chaleur aux étangs par le thermostat et la géothermie et aussi implanté les procédés de recyclage d'eau par biofiltre de façon à renouveler l'eau utilisée à la pisciculture. Ainsi, l'usine s'est transformée en centre d'élevage économisant l'énergie et l'eau. Quand j'étais venu à l'usine l'année dernière, il n'y avait pas beaucoup de cistudes. Mais maintenant, les tortues pillulent dans tous les viviers. Un tel succès est dû à l'unité 810 de l'armée populaire de Corée, aux cadres et autres travailleurs de l'usine qui ont mis au point au bout des recherches assidues les plus adéquates méthodes piscicoles conformes aux caractéristiques biologiques des cistudes. À la suite de l'adoption dans la production de la machine d'incubation des œufs de cistudes modernes et de la machine de transport et d'alimentation des nourritures robotisées fabriquées par l'Académie nationale des sciences, le rendement d'incubation est rehaussé sensiblement et les procédés de pisciculture sont robotisés. Le maréchal Kim Jong-un a fait remarquer que, puisque le centre d'élevage de cistudes de Pyongyang est modernisé au niveau de l'intention du parti, il faut normaliser la production à un haut niveau et il a présenté à l'usine les tâches comme accomplir sans faute tous les ans les plans d'élevage de cistudes et aussi continuer à augmenter le nombre de cistudes, se procurer des cistudes producteurs de bonnes espèces et les élever, prendre les mesures rigoureuses d'approvisionnement en aliments et s'intéresser en profondeur à la prévention des maladies. Très content par la visite au centre d'élevage de cistudes de Pyongyang modernisé, Kim Jong-un a affirmé avec joie que l'on a appliqué à fond une recommandation du général qui s'était forcé d'alimenter les cistudes à notre peuple et que l'on a achevé un nouveau travail méritoire. Et de continuer. J'avais le cœur gros après avoir appris la situation très mauvaise de l'usine l'année dernière. Mais je suis content maintenant de voir l'usine remise en état. Je suis très ému à la pensée de faire la révolution pour une telle fierté, malgré les grandes difficultés. En fait, le centre d'élevage de cistudes de Pyongyang est métamorphosé de façon formidable, alors que l'on enregistre successivement des succès fiers à l'étonnement du monde dans la campagne de 200 jours. J'apprécie haut les mérites des cadres, des militaires bâtisseurs, des scientifiques et des techniciens qui ont consacré aux travaux de réaménagement leur intelligence créatrice, passion, dévouement et effort. Le maréchal Kim Jong-un a estimé très importante la mission du centre d'élevage de cistudes de Pyongyang et s'est montré convaincu que les cadres et autres personnels de l'usine produiront beaucoup plus de cistudes à l'intention du peuple avec l'esprit de service fidèle à la population avant de se faire photographier en souvenir avec eux.